بسم الله الرحمن الرحيم. Mon frère, je te plains de la vie ici-bas. Est-ce que tu as perdu quelqu'un de ta famille? Le prophète alayhi salatu wassalam est né orphelin. Il n'avait pas de père ni de mère. Est-ce que tu as perdu un enfant? Le prophète alayhi salatu wassalam, tous ses enfants durant sa vie sont morts, à l'exception de Fatima radiallahu anha. Elle est morte 6 mois après son décès. Est-ce que tu es fatigué d'adorer Allah azza wa jal? Le prophète alayhi salatu wassalam priait la nuit jusqu'à ce que ses pieds soient fissurés. Est-ce qu'on t'a accusé d'une chose dont tu es innocent? Le prophète alayhi salatu wassalam a été accusé de charlatan et de fou. Mon frère, tu as mal aux dents. Les canines du prophète alayhi salatu wassalam ont été cassées. Est-ce que quelqu'un t'a démenti et il n'a pas accepté ta parole? Le prophète alayhi salatu wassalam a été démenti par sa tribu et on a rejeté sa parole. Est-ce que quelqu'un t'a une fois maltraité? Est-ce que tu as été maltraité une fois? Le prophète alayhi salatu wassalam a été insulté par sa tribu et on a mis sur son dos les entrailles de chameau. Est-ce que ton voisin te fait du mal? Le prophète alayhi salatu wassalam subissait l'injustice de la part de son voisin et malgré cela, quand ce dernier est tombé malade, il lui a rendu visite. Est-ce que tu dois quelque chose à quelqu'un? Le prophète alayhi salatu wassalam est mort en laissant derrière lui son bouclier comme dépôt chez un juif en contrepartie de blé qu'il avait prêté. Est-ce qu'on a parlé sur ton honneur? On a parlé sur l'honneur du prophète alayhi salatu wassalam en accusant Aïcha radiallahu anha de fornication et elle a été innocentée par-dessus les 7 cieux. Et malgré tout cela, le prophète alayhi salatu wassalam était heureux car il avait trouvé son bonheur dans l'adoration d'Allah Jalla wa Ala. Peut-être que tu as enduré une ou deux de ces épreuves. Que dirons-nous de celui qui les a toutes supportées? Ceci est un message à ceux qui sont éprouvés et oppressés. Patientez et soyez endurants. Et attendez la récompense dans l'au-delà, dans le paradis d'Allah, Inch'Allah. En effet, vous avez dans le prophète un excellent modèle pour quiconque espère en Allah et au jour dernier et invoque Allah fréquemment. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.